إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو الأصل أرابيع خراسة كتغيم فضمة؟ نعم، سواء على علم كيسون لي علماء، qu'est-ce que le fiqh et qui sont les fuqaha, distingués de ceux qui s'apparentent à eux, ne font pas partie d'eux, et que cela est devenu justement pour les gens la science, c'est devenu justement la mise en garde contre la vraie science, contre les vrais savants. Le savant, celui qui met en garde contre les vrais savants. L'âme sahl jiddan yukhtasar fi shay. Le savant, comme on le connaît, seul connaît le savant. Amen. Le savant, savoir qu'un tel c'est un savant, il faut qu'un savant t'ait devancé pour le dire. Comme l'imam Zahabi dit, « الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعلم رتبة غيره » L'ignorant ne connaît pas son propre niveau. Donc comment vas-tu connaître le niveau d'autrui? Les gens qui n'ont pas de connaissance ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'un savant. Pour savoir le niveau de science qu'il a, c'est que tu en as autant que lui ou plus que lui. Voir distinguer vraiment son niveau. Quand même. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'asli al-khamisi. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Bayanu Allah subhanahu wa ta'ala li awliya'i Allah wa tafliq baynahum wa tafliquhu بينه وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، ويقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بكم من يحبهم ويحبونه. الآية. وفي سورة يونس في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة خرق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تبعهم فليس منهم، ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولابد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعاهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Cinquième fondement, l'auteur dit que Allah subhanahu wa ta'ala justement démontre qui sont ses alliés et le différencie entre eux et entre ceux qui leur ressemblent parmi les ennemis d'Allah, comme les munafiqoun et comme les pervers, les fujjar. Et en cela nous suffit le verset d'Allah où il dit dans le sens, dit, c'est-à-dire Mohammed, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Et la part d'Allah dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, celui qui apostasie d'entre vous de sa religion, alors Allah viendra avec un peuple que Allah aime et aussi aime Allah. Et la part d'Allah dans le sens où il dit, n'est-ce pas que les alliés d'Allah, nulle peur sur eux, et ils ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Après, ce fondement est devenu chez la plupart de ceux qui prétendent la science, qui font partie des gens qui guident la création et qui préservent la religion, que les alliés, parmi leurs caractéristiques, il leur est obligatoire de délaisser le suivi des messagers. Que celui qui suit les messagers n'est pas un allié. Et qu'il délaisse le jihad. Celui qui fait le jihad n'est pas un allié. Et qu'il délaisse la foi et la taqwa. Alors que celui qui se revêtit de la taqwa et de la foi ne fait pas partie d'eux. Après, il a fait un dua. Donc là, le Shari'a Shah Al-Faymin, il dit, en expliquant ce fondement, que les alliés d'Allah, ce sont ceux qui ont cru et qui ont été pieux, qui ont été droits sur la religion. Et Allah les a décrits justement dans sa parole où il dit: Ala in awliya Allah la khawfun alayhim wa lam yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les serviteurs, les alliés d'Allah, nulle peur sur eux, ils ne seront point tristés. Ceux qui ont cru et qui ont été pieux. À la base, le taqwa, intajel wikaya bainak wa baina azabillah. Taqwa, c'est le fait de mettre une protection entre toi et le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, on traduit ça par pieux. Celui qui craint. Donc, il dit que ce n'est pas toute personne, justement, qui prétend être un allié d'Allah, qu'il est forcément. Que chacun, si tel était le cas, chacun serait comme il le prétend. D'accord ? Chacun serait comme sans ses prétentions. Cependant, comment on fait pour savoir ? Tout simplement, on regarde ses œuvres. Si c'est vraiment un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui dont les œuvres sont bâties sur la foi et la taqwa, alors c'est un allié d'Allah. Sans quoi, il ne l'est pas. D'accord ? Et que justement cette prétention et cette tesquia du nefs, c'est-à-dire le fait qu'il se recommande lui-même, qu'il se vante lui-même, cela justement est une chose qui s'oppose à la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous vantez pas vous-même, car Allah est plus savant de celui qui craint. Donc les gens n'ont pas à s'attribuer la taqwa comme ça, ouvertement et gratuitement. Allah qui sait qui est le pieux. وقال فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهى الله عنه وهذا ينافي التقوى فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادات إنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل لا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوات حتى يدلوهم عن سبيل الله تعالى. Celui qui prétend qu'il fait partie justement des rapprochés d'Allah, de ses alliés, c'est une personne qui aura justement fait la tasqiya de sa propre personne. Donc là, à ce moment-là, il s'est tombé dans la désobéissance. Il aura contredit les versets. Et les vrais alliés, les vrais awliyas ne font pas cela. Il ne dit pas, moi je suis un wali. Sûrement pas. Mais eux, comment ont-ils été décrits, ils croient en Allah, ils le craignent et qu'ils lui obéissent de la façon la plus parfaite, en mesure de leur capacité. Ils ne trompent pas les gens avec ce genre de prétention pour ne pas avoir à les égarer du sentier d'Allah. ثم قال فهؤلاء الذين لا يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة فنصيحتي لإخواني المسلمين ألا يختروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حالهم بما جاء في النصوص وفي أوصاف أولياء الله وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى في علامة محبة الله وولايته بما ساقه من الآيات. Donc ceux-là qui justement prétendent d'eux-mêmes parfois qu'ils sont des maîtres, c'est-à-dire Asiyad, c'est le pluriel de Sayyid, et que parfois ils sont des rapprochés. Si la personne réfléchit bien, analyse bien leur situation, ces gens-là qui prétendent cela, il verra qu'ils sont les gens les plus loin de l'alliance et qu'ils sont loin d'être des Asiyad. Donc mon conseil, le chéri dit, mon conseil pour mes frères parmi les musulmines, ils ne se fassent pas impressionner par toute personne qui prétendrait être un rapproché d'Allah, jusqu'à ce qu'il compare sa situation avec les textes. Il regarde si cette personne-là, la voie sur laquelle il est conforme au texte et au descriptif que Allah a fait de ses rapprochés. Donc après, le shir cita que l'auteur cita des adillets qui démontrent les signes qui peuvent amener à savoir qui est le wali. Le premier verset qu'il a cité, c'est celui de Al-Imran. Qala ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis si vous aimez, vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc ce verset-là est appelé verset de Al-Minha, de l'épreuve, du test. Car justement, ceux qui prétendent qu'ils aiment Allah, Allah a descendu pour ce verset. Si jamais vous aimez Allah, alors suivez le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on regarde ses œuvres, et si jamais ses œuvres sont sur le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors on dira qu'il est véridique. C'est-à-dire dans son amour qu'il prétend pour Allah. Et non pas qu'il soit allié. Mais il dit, moi j'aime Allah. Donc on regarde comment il agit. Et si jamais il suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième verset, pour Allah, où il dit, Ya ayyuha allazina amanu, man yartada minkum an dini, fa sawfa ya'ti Allahu bikum yuhibbuhum yuhibbuna. Ô vous qui avez cru, celui qui apostasie entre vous de sa religion, Allah viendra à sa place avec un peuple que lui aime et que eux ils aiment. C'est-à-dire eux ils aiment Allah. Donc ce verset démontre également encore des caractéristiques de ceux qui aiment Allah. Quelles sont-elles? En premier lieu, dans le verset, que ces gens-là sont humbles et modestes face aux croyants. Ils ne les combattent pas, ni ne s'opposent à eux. C'est dans le verset dit Azillatin al-mu'minin, a'izatin al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wa la yakhufuna lawmat al-la'im. Là, c'est la suite du verset qui n'est pas cité là. Donc ces gens-là sont humbles et modestes devant les croyants. Deuxième caractéristique, qu'ils sont forts devant les puissants devant les koufars. C'est-à-dire qu'ils ont le dessus sur eux et ne se rabaissent pas devant eux. Troisième description, qu'ils combattent sur le sens d'Allah, qu'ils s'efforcent dessus, qu'ils combattent des ennemis d'Allah, mais on parle là d'un combat légiféré. Ils combattent, c'est quoi leur but? Que la parole d'Allah soit supérieure. Non. Et quatrième descriptif, qu'ils n'ont pas peur de se faire blâmer lorsqu'ils appellent à la vérité qu'ils combattent. Ils n'ont pas peur des gens. À partir du moment où ils sont sur la vérité, qu'ils le savent, ils n'ont pas peur. Donc celui qui a ces quatre caractéristiques, c'est quelqu'un qui aime Allah. Et quelqu'un que Allah il aime. Donc là, c'est le premier verset. Deuxième verset, quand Allah Ta'ala, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les rapprochés d'Allah, nulle peur sur eux, ils ne seront point attristés. Ceux qui ont cru et qui ont craint. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci ici que ces rapprochés sont ceux qui ont été, qui regroupent ces deux caractéristiques, c'est-à-dire la foi et la taqwa. La foi dans le cœur et la taqwa qui est le ressort, qui est le fruit de la foi à travers les membres. Donc celui qui prétend être un wali et ne regroupe pas ces deux caractéristiques n'est qu'un menteur. Après, il précise justement que le shirk, on voit que maintenant, aujourd'hui, la plupart des gens qui appellent la science, c'est devenu le contraire. Pour eux, le wali est celui qui ne suit pas les messagers et qui ne combat pas sur le sens d'Allah et qui ne croit pas aux messagers, ou plutôt qui ne croit pas en Allah ni ne le craint. Là, il fait allusion qui a soufi. C'est qu'ils prétendent qu'ils ont atteint le stade de la yaqin, qu'ils n'ont plus à adorer Allah et qu'ils n'ont plus à suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'est les khawas, les tibas, c'est pour les awam. Ils visent ces gens-là, entre autres. Et on trouve des gens moins graves que ces gens-là, qui eux aussi font apparaître la taqwa, la piété et la wilaya, alors qu'ils n'en font pas partie. Et là, c'est une parole de Cheikh al-Islam, Taymiyyah, dans son livre, « Wal furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya shaitan » Il y a le discernement entre les alliés du Rahman et ceux de Shaitan. Je vais lire une partie aujourd'hui et on finira demain avec le sixième fondement, Inch'Allah Ta'ala. Car c'est un peu long. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشياطين أولياء فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, Cheikh Al-Islam, il dit que Allah a bien clarifié dans son livre, dans la sunnah, qui sont ses rapprochés parmi les gens, qu'il a des rapprochés et que Shaitan également a des rapprochés. Donc la force, la différence entre eux, c'est que Allah dit de se rapprocher à lui, dans le sens qu'il n'y a point de crainte sur eux, ni de peur, et qu'ils ne sont point tristés. Ceux qui ont cru et qui ont craint, ils auront la bonne annonce dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nul changement à la parole d'Allah, et ça c'est la grande victoire. Et telle est la grande victoire. Après, il cite les awliyas de Shaitan. Qui sont-ils? Qala ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Donc, il dit dans le sens que si jamais tu récites du Coran, alors recherche refuge auprès d'Allah du Shaitan al-Rajim. Car il n'a point d'autorité et de prise sur ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Son autorité, son emprise ne sont que sur ceux qui se sont rapprochés de lui et ceux qui sont mushrikoun, associateurs. Donc là, ce verset démontre que Shaitan a des awliyas. ثم قال فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون والمتقون وهم الذين آمنوا به وولاه فأحبوا ما يحب وأبعدوا ما يبعد ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهوا عما نهى وأعطوا ما يجب أن يعطى ومنعوا ما يجب أن يمنع فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. Il nous est obligatoire de différencier entre cela et cela, c'est-à-dire les deux sortes d'alliés, ceux de Shaitan, ceux de Rahman, comme Allah l'a fait et son messager. Donc les alliés d'Allah, qui sont-ils? Les croyants et les pieux, ceux qui ont craint, ceux qui sont reprochés d'Allah, ceux qui ont aimé ceux qu'il aime, ceux qui détestent ceux qu'il déteste, ceux qui agréent ceux qu'il agrée, ceux qui se mettent en colère pour ceux qui le mettent en colère. Donc une personne, ce qui interdit, ce qu'il a interdit, ce qui donne, ce qu'il aurait obligatoire de donner, ce qui prive, ce qui doit être privé. Donc personne ne peut être un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala sans croire en lui, ni croire en ce avec quoi est venu le messager, ni le suivre, en apparent, intérieurement ou extérieurement. وَمَنِ ادَّعَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَوَلِيَّتَهُ وهو لا يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Celui qui prétend l'amour d'Allah et son rapprochement et qui ne le suit pas, c'est-à-dire le messager, qui ne suit pas le messager, lui n'est pas parmi les alliés d'Allah. Et toute personne qui s'oppose à Allah fait partie de ses ennemis. Et il est parmi les awliyas de Shaitan. Allah il dit dans le sens que si jamais vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك تفاضلهم في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. Donc les gens diffèrent dans leur niveau de rapprochement et selon fonction de leur niveau de foi et de crainte. Tout comme ils sont différents dans leur animosité envers Allah, en fonction de leur mécréance et de leur hypocrisie. Certains sont plus croyants que d'autres, certains sont plus mécréants que d'autres. Bihasb. Wa awliya Allah ala tabaqatayn. Sabiqun mukarrabun. Wa ashabu yamin wa muqtasidun. Zakarahum Allah fi idat mawadi' min kitabihi al-aziz. Donc les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux sortes. Ceux qui se devancent et qui se rapprochent. Et les gens de la droite. Et ces gens-là, Allah les a cités dans plusieurs de ses versets. Dans le Coran. Après, on prend directement après. فَمَنْ لَمْ يَتَقَرَّبِ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ وَلَا يَتْرُكِ السَّيِّئَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ لَا سِيَمَا أَنْ يَكُونَ مَحْجَتُهُ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مُكَاشَفَةً سَمِعَ مِنْهُ أَوْ نُوعٌ مِنْ تَصَرُّفٍ. celui qui ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas les bonnes actions, qui ne délaisse pas les mauvaises, il n'est pas un wali. Il n'est permis à personne de croire cela. Quand bien même il viendrait à faire des actes miraculeux, d'accord, même si des miracles viendraient avec lui, ces personnes-là, tu n'as pas à croire qu'il est un wali. Il va expliquer plus tard, par la suite. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك لكون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولا وإن لم يعلم منه إذا علم منه ما يناقض ولاية الله. Donc il n'est permis à personne justement de prendre le fait que cette personne-là ait fait des actes miraculeux pour dire que c'est un wali. Surtout s'il voit de lui des actions de transgression apparente sur la personne. Il le connaît de lui que cette personne-là transgresse sur tel et tel et tel point. Et après, il voit faire des choses miraculeuses. Après, il dit, ah, c'est un wali, pourquoi? Parce qu'il a fait telle chose. Par exemple, il vole ou il marche sur l'eau. مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع ظاهر دون الحقيقة الباطنية والباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يشتدم المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة. Comme par exemple qu'il sache que il dit qu'un tel c'est un wali, alors qu'il sait de lui que cette personne là n'a pas pour croyance qu'il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni en apparent, ni en extérieur, ni en intérieur. Comme ces soufis qui disent par exemple, moi j'atteins le stade du yaqin, j'ai plus à faire ce que vous faites. Ou qu'il pense, ou qu'il croit qu'il lui est permis de ne pas suivre la législation. Ou également qu'il a pour croyance que le wali doit suivre une autre voie que les autres. Le wali n'a pas à faire comme les autres. Le wali, lui, il a sa législation qui lui est propre et les autres ils ont leur législation. Cette personne-là également ne délaisse pas les actes interdits. Donc il n'est pas mis à personne de dire un tel c'est un wali, quoi qu'il l'ait fait devant tes yeux. Et également, il ne revient pas aux gens qui sont alliés d'avoir des choses distinctes à des autres, comment dire, en apparent, parmi les choses permises. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui est un wali d'Allah, il n'a pas à se distinguer avec un accoutrement différent. Il dit par exemple, moi, les aouliers, ils ont un chapeau rouge, par exemple. Ou ils ont une tunique blanche, par exemple. Ou ils ont telle et telle chose. Je dis, pourquoi ces gens-là, ils ont porté ça parce qu'eux sont des aouliers. Ça, il n'y a pas à le faire, ça n'existe pas. وقال وليس من شروط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة بعض علم الشريعة فيجوز أن يتشبه عليه بعض أمور الدين ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله وإن خالف لم يقبل وإن لم يعلم أم موافق أم مخالف توقف فيه. Également pour être wali d'Allah, il n'est pas conditionné d'être infaillible et de ne pas se tromper. Mais plutôt en disant, il est permis à celui qui est un wali, d'accord, certaines choses de la religion lui échappent. Il ne connaît pas tout. Ou qu'il j'ose, il confonde. Qu'il confonde entre telle et telle chose, ça peut lui arriver. Il n'est pas marsoum. C'est pour ça que celui qui est un wali d'Allah, il n'est permis à personne d'avoir, de croire qu'il doit le suivre dans toute chose, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Par exemple, tu as des signes qu'une personne, c'est un wali. Vraiment. Des signes apparents. Et bien, même si tu as cette croyance-là, qu'il est un wali, tu n'as pas à limiter dans tout ce qu'il fait. Et dans tout ce qu'il dit, dire que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il peut se tromper. D'accord ? Il peut se tromper. Sans quoi, il est un prophète. Seuls sont infaillibles dans leur transmission de la révélation les prophètes. Pas les autres. Donc, si jamais il voit des choses de cette personne-là qui s'opposent, il faut qu'il prenne les actes de cette personne-là. Il les compare avec ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais ils sont en accord, il accepte. Si jamais il s'y oppose, ses actes transgressent, il les délaisse. D'accord ? Si jamais il ne sait pas est-ce que cet acte-là est légiféré ou pas, il ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'abstient. Il s'abstient, tout simplement. وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثُ أَصْنَافٍ وَطَرَفَانِ وَوَسَطٍ فَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا يَعْتَقَدَ فِي شَخْصٍ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ وَافَقَهُ فِي كُلِّ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ حَدَثَ بِهِ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ. Les gens, dans ce sujet, les gens sont aux trois centres. Deux extrêmes et un juste milieu. Parmi eux, ceux qui, pour croyance, que si un tel c'est un wali, il sera d'accord avec lui dans tout ce qu'il pensera que son cœur lui aura rapporté selon Allah. C'est-à-dire des personnes, parmi les soufis par exemple, ils disent, moi, telle chose, je l'ai fait parce que Allah me l'a dit, dans mon cœur. Donc lui dit, c'est un wali, donc je le crois. Donc je vais faire comme lui. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est un extrême. Il croit tout ce qu'on dit. D'accord ? Tout ce qu'on le dit, il le croit. Deuxième extrême. وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا رَأَوْا قَدْ قَالَ أَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ بِمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ أَخْرَجَهُ عَنْ وِلَايَةِ اللَّهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُخْتِئًا. Et d'autres personnes, si jamais ils voient une personne, la moindre erreur, alors ils disent, lui, c'est pas un wali. Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé sur telle ou telle chose ? Même si la personne est mujtahid. On explique que les gens ne sont pas infaillibles. Donc il y a des gens sur l'autre extrême. Pour eux, la moindre erreur, pour eux, tu n'es plus un wali. Alim, par exemple, a fait un ijtihad sur mas'ala, sur laquelle l'ijtihad est permis ou quoi. Et il a vu, il n'a pas vu juste. Les gens vont dire, il s'est trompé, c'est pas un wali celui-là. Pourquoi il s'est trompé ? Le wali ne peut pas se tromper pour eux. Donc ça, c'est le deuxième extrême. Après, il dit, khayl umur awsatuha. Khayl umur awsatuha. Les meilleures choses sont le juste milieu. وهو لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسوق مع اجتهاده والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. C'est quoi le juste milieu? Qu'il ne le rende pas infaillible, ni qu'il le fasse, qu'il fasse de lui comme s'il était un yani, qu'il fasse de lui une personne qui commet des péchés du fait que cette personne-là aurait fait un ijtihad et qu'il se soit trompé. Fahimtum ? Ni le rend faillible, ni lui dit khalas, oui, il fait des péchés à chaque ijtihad qu'il aura fait ou il sera trompé. Là où l'ijtihad peut être accompli. Et également, ni n'a le suivre dans tout ce qu'il dit, l'autre extrême. Il n'a pas le suivre dans tout ce qu'il dit. Ni il n'allait rendre mécréant ou pervers pour toute transgression qu'il aurait fait, malgré lui. Pas les shihad. La hada wa la hada. Mais les gens doivent suivre ce qui correspond à la sunna. Tout simplement. Ce qui correspond à la sunna. Et après, c'est là que justement les salafs sont unanimes, que toute personne, sa parole est à prendre ou à délaisser. Hormis le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est parmi les différences qu'il y a entre les prophète et autre que le prophète, tout ce qu'il dit lié à la législation et à la religion et à la révélation, tu le prends, les autres non. Les prophètes, il est obligatoire de croire tout ce qu'ils disent, il est obligatoire de leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent, contrairement à Aulia. Les Aulia, on n'a pas à leur obéir dans tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ordonnent, mais tout ce qu'ils disent, qu'ils ordonnent, on doit le comparer avec le Kitab et la Sunna. Si ça correspond, on accepte. Sinon, on rejette. A kaza. Pourquoi ça a été là aujourd'hui? Parce que le filium l'irad, inshallah ta'ala. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'était que les awliya, pour les connaître, il faut revenir au Kitab wa Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala décrit qui étaient les awliya, ceux qui croient, qui craignent, ceux qui aiment Allah. Et parmi les preuves de l'amour d'Allah, le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui vient, quoi qu'il fasse devant toi comme acte miraculeux, tu ne peux croire que c'est un wali tant que tu n'as pas vu, tu ne compares pas son comportement, son attitude, son aspect, tout est bon. S'il y a des transgressions apparentes qui sont des choses interdites, alors lui ce n'est pas un wali. D'accord, ce n'est pas un wali. Wa akada. Inch'Allah pour se voir demain. Ou plutôt, il me accepte. Fa ila huna subhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.